c'est un mois fihi khair kathir wa baraka. Pour celui qui connaît l'importance de l'waqt. Et matadri, est-ce que tu vas revenir à Mla? Rubbama, tu meurs hunak, fa tu meurs avec cette niya. Al-Hajj ou al-Umrah, bi-idnillah. Et kadalik, en tant que talib ilm. Ahada, c'est muhim. Kathir min al-nas, ils sont fi ghafla. An hada. Kadalik, on abba avant de commencer. An, à partir de demain, inshallah, le dors, il sera à 19h, ahsan. Yann, al-an, al-maghrib, waqt al-maghrib, ça commence à descendre. Et pour laisser du temps aux frères qui se préparent, Inch'Allah, on avance un peu. Enfin, Inch'Allah, à partir de demain, on commence à 19h. On ne commence plus à 19h15. Hada tanbih. Al-yawm, nabda bi mas'alati al-muhimma wa hiya hukm al-hajj. Aïe, est-ce que le hajj c'est obligatoire ou la? Awalan, on cite al-ta'rif. Al-ulama, il le cite. Aïe, c'est quoi la définition du hajj? Lughatan, al-hajj, c'est al-qazd. Qala al-khalil, rahmatullah alayh, kathratul qazd ila mu'azzam. Aïe, c'est avoir l'intention d'une chose. C'est ça le hajj fil lugha. Lakin, kama qala ibn Faris, rahmatullah alayh, qala thumma ikhtassa bihada al-ism al-qazd ila baytillahi al-haram, ila akhir. Aïe, pour faire le hajj. Naam, fa-lughatan, القصد اي avoir l'intention d'une chose, de faire une chose. Lakin, c'est devenu un ism pour celui qui a l'intention de se rendre fi Mecca pour faire le hajj ou l'umrah. فلهذا شرعا ils l'ont défini التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on peut rajouter في زمان مخصوص. Donc c'est avoir cette niya. Tu fais ces choses que tu vas faire. Fil manasik, al-tawaf, qabla dhalik al-ihram, wal-sa'i, wal-halq, etc. Tout ça, c'est l'Illahi Azza wa Jal. Tout ça, c'est fondé sur le kitab wa sunnah. À un temps bien précis. Dans un endroit bien précis. L'endroit, c'est Mecca. Kadhalik mina, arafa. Tous les endroits qu'on va voir en détail, incha'Allah ta'ala. Et al-waqt, un temps bien précis, ça commence le 8 de Dhul-Hijja, comme on va voir dans les durus. Fahada huwa al-hajj. Amma al-umrah, lughatan c'est ziyara, c'est une visite. Wa shar'an, at-ta'abbud lillahi ta'ala bit-tawaf bil-bayt, bil-safa wal-marwa wal-halq wal-taqsir. C'est ça al-umrah. Vous avez remarqué que dans le ta'rif de l'umrah, on ne cite pas un waqt makhsous. Limada, li anna al-umrah, tu peux la faire fi Ramadan, tu peux la faire fi Dhul-Hijja, tu peux la faire fi Dhul-Qa'da, tu peux la faire fi Sha'ban, etc. Et parmi les meilleures périodes, bien sûr, au Ramadan. Shahru Ramadan pour faire l'umrah. Falihada dans le ta'rif, al-ulama, il ne cite pas waqt makhsous. Andur al-munti' sharh zad al-mustaqni' lil-allama al-shaykh Mohamed bin Salih al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. C'est un kitab nafi' diddan fi al-fiqh. الممتع. أما الحكم فتعلمون أن الحج ركن من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو في رواية الحج لمقدم والحج وصوم رمضان. الحديث متفق عليه. فسنركن من أركان الإسلام. لا شك ولا ريب أن أركان الإسلام c'est obligatoire de les accomplir. فلهذا الحكم أي الآن on en vient à répondre à la question qu'on a posée au départ. حكم الحج. Est-ce que c'est obligatoire ou la? Al-Hajj li wajib, c'est obligatoire bil kitab, ay bi adillat al kitab, wa sunnah wa al-ijma'. Al-Qur'an il prouve que le Hajj il est obligatoire pour celui qui a la capacité bien sûr. As-sunnah kadhalik wa al-ijma', ay l'unanimité des savants. Amma al-Qur'an fa qawlullah ta'ala wa lillahi 'ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. الشاهد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ أي c'est un devoir que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala de faire al-hajj. Bien sûr, avec ce qayd, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et ça, في الحقيقة, c'est pour toutes les عبادات. كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فالعبادات c'est lié avec la capacité. Si tu peux, tu fais. Si tu peux pas, t'as un udr shar'i. Et on va détailler ce shart al-istita'a dans le cours d'aujourd'hui inshallah. Fal-istita'a, si t'as la capacité tu fais, si t'as pas la capacité tu ne fais pas. فَسَلُوِي كَلَا كَبَاسِتِي الْحَجْ سَوَاجِبٌ عَلَيْهِ. أما الأدلة في السنة أنصت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait un sermon, un prêche. قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا دليل واضح نص في وجوب الحج. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا أي الله vous a rendu الحج obligatoire ففتل الحج. فقال رجل أكل عام يا رسول الله. Un homme qui était dans cette assise, il a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce que c'est obligatoire tous les ans يا رسول الله, أي chaque mois de chaque année de Dhul Hijjah on doit faire le hajj. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas répondu. Cet homme il a posé la question une deuxième fois. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas répondu. Cet homme il a reposé cette question une troisième fois. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَ اسْتَطَعْتُمْ. Ça montre أن هذا الدين il est يسر. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله عز وجل. هذا النبي سين رحمة pour l'umma. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a répondu لو قلت نعم, si je te réponds oui vous ne pourrez pas, il y aura une مشقة عظيمة, tu dois faire le hajj tous les ans. الآن نحن l'époque où on vit أن الإيمان ضعيف, الناس sont في غفلة, بعضهم ils n'ont pas encore fait حجة الإسلام alors qu'il a القدرة المالية والبدنية. Ah, il a l'argent, il est en bonne santé, il peut faire le hajj. Lakin ma wufiq. Ma wufiq. Fama baluk tous les ans. Fahadihi c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Anna al-hajj c'est obligatoire une fois dans ta vie, ayyuha al-muslim, et le reste c'est tatawwa. Ça ne veut pas dire que tu ne le fais plus. La. Tatawwa. Comme on a vu hier, fada'il al-hajj khasatana at-takrar. Le fait de le faire tous les ans pour celui qui peut. Ça efface les péchés de l'année. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإشراف. الإمام ابن المنذر إمام كبير في الفقه وفي الدين وفي السنة. إلى كتاب أو دو livres qui sont connus, الإشراف والأوسط. Et c'est des كتب مهمة pour طالب العلم خاصة في أبواب الفقه. قال أجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام. L'unanimité des savants, أن c'est une obligation pour l'homme et pour la femme, المرء, ça englobe l'homme et la femme, de faire le حج une fois dans sa vie. قال إلا أن ينذر المرء نذرا فيجب عليه الوفاء به. Cette مسألة, on l'a expliqué en détail في كتاب التوحيد النذر. المسلم s'écarte de هذا. Al-Nadr c'est de faire un vœu. Il fait un vœu de faire le hajj. Pas hajjatul islam. Hajjatul islam, que tu fasses un vœu ou pas, c'est wajib alayk. Là, il a fait le hajj qui est obligatoire, qui est un rukn min arkan l'islam, et il s'impose un autre hajj en faisant un vœu. Ce hajj, le deuxième, il devient obligatoire. Il est obligé de le faire. Et on a démontré, c'est makruh. Mais bien, les ulama disent que c'est haram de faire un nadr. Hakada. Khasatan, s'il s'impose, ou s'il fait un nadr mu'allak. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il guérit mon enfant, je fais le hajj. Ou si Allah subhanahu wa ta'ala me donne telle chose, je fais le hajj. هذا لا شك أن أقل ما فيه سكس مكروه. Si c'est pas haram. Celui, pour revenir à notre sujet, qui fait ce nadr, il s'impose, le hajj devient obligatoire pour lui. وهذا t'as aucune haja. T'as pas besoin de ça, yuhal muslim. Fais ton hajj obligatoire et t'as une bonne niya. T'espères faire le hajj une autre fois. Aïe min bab al-tatawwu' wal-nafl. Et Inch'Allah ta'ala khair, sans t'imposer. Léanna hadan nadr que tu t'imposes, rubbama, tu peux pas aller faire le hajj. Et c'est obligatoire l'an. Yabqa fi dhimma. Wa hada la yambaghi. Ala kulli hal, al hajj c'est obligatoire bil kitab, wa bil sunna, wa bil ijma'. Une fois dans sa vie. Une fois dans la vie du musulman. Wa hada al hajj, il a des shurut. Qu'on va étudier ensemble. Et هذا الباب il est مهم شروط الحج. Le premier شرط, on va voir qu'il y a 5 شروط, un sixième pour la femme, أي المحرم. Le premier شروط الإسلام. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر, ses œuvres sont pas acceptées. أبدا. Abadan, il n'est pas concerné. Il est concerné par l'islam, la shak. Et il doit délaisser le kufr, et il doit rentrer fait din. Lakin, si il fait le hajj, et il n'a pas délaissé son din kufri, et il n'a pas fait tauba, et il ne s'est pas converti à l'islam, son hajj, il ne sert à rien. C'est comme ceux, pour vous donner un rapprochement, et qui est propagé beaucoup, c'est comme ceux qui font as-siyam, siyam ramadan, et ce n'est pas des musulmans. Il le fait parce qu'il a des amis musulmans. C'est pas accepté. Il faut que ça soit un musulman. S'il veut faire le hajj, il se convertit à l'islam. Il prononce les deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il délaisse le kufr. Et il déteste le kufr. C'est ça l'explication de la ilaha illallah. Il fait le salat. Il y en a celui qui fait le hajj. Et qui ne fait pas salat, la hajj là. Léana Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum al-sala, faman tarakaha faqad kafar. Wa fil hadith al-akhar, bayna al-rajul, wa al-shirk wa al-kufr, tarku al-sala. Fahada, hada, obligé, anna celui qui veut faire le hajj, awalan sa muslim. Amma al-kafir, fala yuqbal min al-hajj wa la ghayr al-hajj. قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال الشافعي والأصحاب أي الشافعية تعلمون أن الإمام النووي شافعي المذهب رحمة الله عليه أي إن كتاب مهم كتاب نافع جدا في الفقه son كتاب المجموع الشرح المهذب et c'est une référence في الفقه قال الشافعي والأصحاب إنما يجب الحج على المسلم أو على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. Tout ça c'est les conditions qu'on va voir الآن. قال فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف. Il n'y a aucun خلاف في هذا. Il est obligé d'avoir ces conditions avant de faire le حج. قال فالكافر الأصلي وكذلك المرتد على الصحيح لا يطالب بفعله في الدنيا بلا خلاف. اي نعم هذا سنقل طيب دو الامام النووي كي ديمونتر ان الكافر لا حج له سي في الحج لي باكسبتي لا بد ان يتوب لا بد ان في الاسلام ثم في الحج quand c'est la période du hajj si là la capacité. Deuxième شرط, donc le premier الاسلام être مسلم. Et ça c'est un شرط في جميع العبادات. As-salah, was-siyam, was-zaka, toutes ces adorations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte min 'abd, fala bud min al-islam. Falihada la taghtar les kuffar qui font des sadaqat, ou un kafir qui fait siyam, ou il fait salah. Maintenant, il ne prononce pas shahada et il veut faire salah. Fala taghtar bihada. Tout ça, c'est ghayr maqboul indallah. Hada ad-din, on a des fondements, nous, bien précis. Avec des adillas, avec aqwal ahl al-ilm. Fahad al-din, on ne fait pas ce qu'on veut. Fahad al-din, il y a un bab, tu rentres min al-bab. Eh non. Mais si tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, voilà. كذلك on précise أن الإسلام c'est pas un nom فقط. بعض الناس ربما يشانج son prénom et يظن أنه c'est un مسلم. لا لا يكفي هذا. Le problème في الحقيقة c'est pas le prénom, لا العقيدة والمبدا les fondements. Et نعم. Et le plus grand fondement de l'islam, c'est le tawhid, et délaisser le shirk ou le kufr. Deuxième condition, al-aqlu, la raison. Fal-majnoun, le hajj pour lui, c'est pas obligatoire. Les shurut qu'on cite là, c'est pour l'wujub. Shurut al-hajj et shurut wujub al-hajj. Pour que le hajj devienne obligatoire, il y a des shurut. Premier, l'islam. Deuxième, al-aql. Fal-majnoun, il fait pas le hajj. C'est pas obligatoire pour lui. Limada? Li'annahu, il sait pas ce qu'il fait. Al-qalam, il est marfou'an. Kama ja'a fi hadith, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال, Utiya Umar, al-sahabi al-jalil, radiyallahu anhu, bimajnouna, qad zanat. Umar, c'était amir al-mu'minin, radiyallahu anhu, à cette période. Et ils ont emmené une majnouna, une femme qui a perdu la raison et qui a fait zina. Ils l'ont emmené عند عمر فاستشار فيها أناس فعمر il a consulté certaines personnes et qu'est-ce qu'ils vont faire الآن elle a fait الزنا لكن elle est مجنونة أما elle serait pas مجنونة فواضح واضح الرجم أو الجلد أو معروف الحدود في هذا الباب قال فأمر بها عمر أن ترجم فعمر il a décidé que Turjam elle se fait lapider. فمر بها على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه quand ils l'ont prise هذه المجنونة cette femme qui a perdu la raison et qui a fait zina pour appliquer sur elle la sentence ils sont passés vers علي ابن ابي طالب الصحابي الجليل رضي الله عنه فإلى demandé ما شأن هذه qu'est-ce qu'elle a fait هذه فقالوا مجنونة بني فلان زنت ils ont dit c'est مجنونة la fille de un tel elle a fait الزنا قال فأمر ils ont répondu à علي فأمر بها عمر أن ترجم donc ils ont démontré à علي أن عمر il a décidé de la lapider فقال علي رضي الله عنه ارجعوا بها أي fait demi-tour ثم أتاه فقال علي il est parti voir عمر Ça montre l'importance de Nasiha. Et ça montre كذلك أن الإنسان il n'est pas معصوم. عمر رضي الله عنه c'est un صحابي جليل من الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة لكن il n'est pas معصوم. فلهذا علي رضي الله عنه il va le conseiller et il va lui montrer الحديث. قال ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين Ça montre l'importance du bon comportement de Nasiha. Et ça montre que ذلك, c'est pas tout ce que tu sais, Akhil Karim, les autres ils le savent. Ali Al-An, il démontre pas à Omar Al-Nahou, c'est une chose qui est claire, pourquoi tu sais pas. Abadan, il y a Amir Al-Mu'minin. Et il va lui citer, il va lui démontrer le hadith. Ça montre, dès que tu conseilles Wahid, c'est pas automatiquement, les choses elles sont évidentes pour toi, elles sont évidentes pour lui, là. انصح يا فلان est-ce que tu connais ce hadith tu lui cites le hadith et inshallah يكون خير قال علي اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه ça montre l'importance de l'hujja علي بن ابي طالب رضي الله عنه الان الى الحجه الحجه passe avant tout تاملوا في بدايه الاثر on a cité ان عمر استشار اناس Et il a consulté des personnes. Et là, Cheikh Allah Omar, il a consulté des sahabas qui sont avec lui. Ça n'a pas empêché Ali de conseiller et de citer Al-Hujjah. Et ça nous montre que Al-Hujjah, elle est aqwa. Et Al-Hujjah, c'est la chose qu'on doit suivre. Ou alors, des autres, ils n'ont pas compris cette Hujjah. Ou ils ne la connaissent pas. Là, on ne délaisse jamais Al-Hujjah. Abadan. Belle, on la montre. Et celui qui veut le khair, il suivra. الحجة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن يبقى أكسبتي. Et vous allez voir à la fin de la قصة أنه il va pas lapider cette femme. فإلا pas dit لا علي لا يا خلاف أو لا فلان يمادي أو أبدا. Il sait que علي il a cité un قول qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accepter. Voilà, chacun à Omar, c'est من أسرع الناس لقبول الحق رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ. Et c'est ça le شاهد. المجنون حتى يبرأ jusqu'à qu'il est guéri. Tant qu'il est majnoun, il n'a pas la raison. فالقلم il est مرفوع. أي il n'est pas concerné par les obligations, etc. Et là où c'est un majnoun, c'est comme un enfant. قال وعن النائم حتى يستيقظ كذلك celui qui dort القلم il est مرفوع لو ربما il dort et il dit un kalam qui est pas طيب. Est-ce que dans ce cas là il est pris en compte? لا لأن القلم il est مرفوع. قال وعن الصبي حتى يعقل كذلك l'enfant حتى يعقل et jusqu'à qu'il atteint l'âge de la raison. ففي هذا الحال l'enfant ولو il fait des choses مخالفة للشرع il est pas pris en compte. قال عمر بلى. Ça, ça nous montre أن ربما تكون حديث لكن le jour où il faut l'appliquer ربما tu l'oublies. Alors t'as une rafle. فعمر il connaissait le hadith لكن ربما il l'avait oublié رضي الله عنه. قال علي فما بال هذه ترجم. L'importance d'appliquer les hadiths, de connaître les hadiths et de les appliquer. فلهذا قال علي ما بال هذه ترجم. Et pourquoi هذه elle va se faire lapider. Et on sait que القلم اللي مرفوع عنها. فقال عمر لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. Ça montre قوة إيمان عمر. أنه quand il s'est rappelé de ce hadith, علي رضي الله عنه lui a rappelé ce hadith, فأمر il a ordonné que cette femme il la délaisse, il la lapide pas, et elle est partie. هكذا هكذا المعاملة مع الحجة. هكذا هؤلاء ils ont réussi. Et هكذا هؤلاء il y avait de la mahabba entre eux. Le but c'était le haq. Le but c'est pas que moi j'ai raison, toi t'as raison. Le but c'est pas de suivre le qawl qui est le plus propagé ou la majorité ou la tendance. Abadan. Une hujja, on la suit. خاصةً s'il y a un alim min al-ulama qui nous montre cette hujja. Comme dans ce athar, Ali ibn Abi Talib. كذلك, c'est pas forcément celui qui a plus de ilm qui a toujours raison. Ou on prend son qawl. Ou al-afdal. La shak anna Umar il est afdal. Min Ali, radiyallahu anhu, bil ijma. Lakin, al-hujja, elle passe avant. هذا الاثر رواه أبو داود وهو الصحيح عن علي. وروي مرفوعا مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف. أي نعم روي عن عائشة فيه ضعف. أما الموقوف الموقوف سي لا بارول دان صحابي ici la parole de علي. فإلى الصحيح عن علي موقوفا. Vous avez remarqué que علي il a pas dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Là il a cité أن القلم إلي مرفوع عن ثلاث. الحديث روي عن عائشة مرفوعا فيه ضعف لكن يشهد له حديث علي الموقوف avec le حديث de علي الموقوف plus le حديث de عائشة رضي الله عنه فالحديث إلي ثابت بل أثر علي الموقوف له حكم الرفع فلهذا علي رضي الله عنه إلى دي لعمر أما علمت أي est-ce que tu ne sais pas que le qalam il est marfou. هذا القول est-ce que tu ne sais pas أي qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre هذا الشيء فله حكم الرفع لأن qui c'est qui va informer علي عن هذا أن القلم il est marfou. هذا c'est un حكم شرعي. فلا شك أن علي il a pris هذا الكلام du prophète عليه الصلاة والسلام. انظر فتح فتح العلام شرح بلوغ المرام لشيخنا محمد بن حزام حديث 1084 حديث عائشة إلى فصل لكلام كم يدديهم أي في الحكم على الحديث من حيث الإسناد. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أجمعت الأمة على أنه لا يدب الحج على المجنون. فأنا تسيتي لدليل أي أثر علي إلي موقوف وله حكم الرفع إلي صحيح وكذلك أنت تسيت الإجماع. On citera beaucoup des إجماع كلام أهل العلم لأن الإجماع سين حجة سين دليل. الدليل تا plusieurs أدلة تا القرآن تا السنة تا الإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. cette umma ne peut pas se rassembler à la dhalal. Donc, si elle se rassemble sur une chose, c'est que c'est forcément haq. L'imam al-Nawawi, il rapporte ijma' al-umma ala annahu la yajib al-hajj ala al-majnoun. Ça, c'est forcément haq. Khasatan avec les adillas qu'on a vu précédemment. Min al-shurud kadhalik al-bulugh. Al-bulugh, c'est la puberté. Atteindre l'âge de la puberté. Hada, ça fait sortir l'enfant. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalam an thalatha wa minhum as-sabi hatta yablugh. Donc la plume al-qalam marfou'a, il n'est pas pris en compte, ils ne sont pas pris en compte ces trois catégories de personnes. Minhum as-sabi, l'enfant, hatta yablugh, jusqu'à qu'il atteint l'âge de la puberté. Donc c'est pas une obligation pour l'enfant de faire le hajj. قال الإمام نقدام رحمه الله لا نعلم في هذا اختلاف لا نعلم في هذا اختلاف نعم يا بات خلاف في هذا. Ce troisième شرط البلوغ, atteindre l'âge de la puberté, ça nous pousse à nous poser une question. حج الصبي, il y en a, on voit beaucoup d'enfants qui font le حج avec leurs parents, avec leurs oncles, avec des proches. فما حكم حجهم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في تفسير الناسك اسم رسالة نافعة في مناسك الحج, قال الصبي والعبد لا يجبان عليهما, أي الحج والعمرة. الصبي والعبد, on verra le quatrième, la quatrième condition. La quatrième condition, c'est la liberté, être libre. Ça fait sortir l'esclave. Et on verra هذا. فالصبي والعبد, أي l'enfant et l'esclave, c'est pas obligatoire pour eux de faire le hajj. قَالَ وَلَوْ فَعَلَاهُمَا صَحَا نَفْلًا. Par contre, s'ils le font, nous, on reste fait as-sabi. Si l'enfant, il fait le hajj, maintenant, il le fait avec son père. Ce n'est pas obligatoire pour lui. S'il le fait, le hajj, il est sahih. لَكِنْ نَفْلًا. نَفْلًا. Et il est récompensé, et ce n'est pas le hajj obligatoire qu'il a fait. قَالَ الشَّيْخ عَبْدُ الْمُحْسِنِ وَأُدِرَ مَنْ صَحَّ أَوْ مَنْ حَجَّ بِهِمَا. Que ce soit l'enfant ou l'esclave, s'ils font le hajj, ils sont récompensés. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج. Une femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait un enfant معها, et elle a porté cet enfant, elle a dit يا رسول الله, est-ce que cet enfant il doit faire le hajj? فقال sallallahu alayhi wa sallam, ou on répète, رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج. لا, la question qu'elle a posée, c'est pas est-ce que c'est obligatoire. Là, est-ce que s'il fait le hajj, son hajj il a accepté? C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. قال صلى الله عليه وسلم نعم, s'il fait le hajj, son hajj il a accepté. قال عليه الصلاة والسلام ولك الأجر رواه مسلم. Le hadith il est صحيح, صحيح مسلم. Et ce hadith il est important. لماذا؟ لأن ce responsable, que ce soit père, mère, oncle, tuteur, etc., il est ma'jour. كذلك. Enfin, l'enfant, il est récompensé. Yom al-Qiyama, il trouvera la récompense de ce hajj. كذلك, celui qui a emmené cet enfant avec lui faire le hajj, il est récompensé. Ça montre l'importance pour les parents, s'ils ont les moyens, quand ils font le hajj, d'emmener leurs enfants ma'ahoum. Léana, t'es ma'jour. Et ton enfant, il a du hajj. كذلك. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال. Il a cité donc le hadith. قال ولك الأجر رواه مسلم وروى البخاري. On continue la parole de Cheikh Abd al-Muhsin. وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. السائب ابن يزيد, ce صحابي, il rapporte qu'il a fait le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait 7 ans. Aïe fi hajjat al-wada. Le hajj qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj qu'une fois. Hajjat al-wada'. Léana sahih anna le hajj, il a été rendu obligatoire la 9e année. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajj la 10e année. Hajjat al-wada'. As-Sa'ib ibn Yazid, il avait 7 ans. Ça montre que c'était connu عند الصحابة qu'ils emmenaient leurs enfants ma'ahum. Et cet enfant, il est ma'jour. Et celui qui l'a emmené, père, mère ou autre, كذلك, il est ma'jour. قال الشيخ عبد المحسن بعد ذلك قال ولا يجزئهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. Ça c'est important. Cet enfant qui a fait le hajj, ça veut pas dire que quand il grandit,

il sait que cette maladie, c'est pas du jour au lendemain qu'elle sera guérie, belle, il a des qara'in, etc., que c'est très grave et pour l'instant il n'y a pas de guérison. Fait al-hannam, une maladie comme ils appellent incurable, Allah subhanahu wa ta'ala, il est à la kulli shay'in qadir. Lakin, il y a des maladies comme le diabète qui est grave ou le cancer, etc. Al-insan, il ne peut plus se déplacer. Fa fi hadha al-hal, fi hadha al-hal, il applique ce que Cheikh Al-Uthaymeen il a dit. Amma, une maladie temporaire, là. Là. Wa dalil, on cite al-dalil, ala kalam Cheikh Al-Uthaymeen, ala wujub al-inaba lil-qadir bimalihi al-ajiz bibadani, hadith ibn Abbas. رضي الله عنهما في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج تأمل لقولها فريضة الحج رضي الله عنها على عباده إن أنا دي فريضة الحج فريضة الله الصواب إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أي elle démontre au prophète صلى الله عليه وسلم أن cette obligation que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire à ses serviteurs al-hajj, son père adrakat, liyanna ta'lamuna anna al-hajj il a été rendu obligatoire la 9e année de l'hijra. Enfin, cette femme elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette obligation qui t'a été révélée ya Rasulullah, mon père il est vieux et c'est un musulman et il ne peut pas faire al-hajj, il ne peut plus se déplacer. Faqalat la yathbut ala al-rahila, et ça c'est, ça te montre un exemple, un cas de ceux qui peuvent pas faire le hajj, la yathbut ala al-rahila. Ta'lamuna anna à cette époque de Medina ila Mecca, il y a taqriban 400 km avec une monture, il te faut minimum rubbama un mois à leur époque. Fa hadha al-shaykh al-kabir la yathbut ala al-rahila. Il peut pas se rester posé sur une monture. Kadhalik à notre époque, on peut comparer avec des personnes âgées ou autres, des malades qui peuvent pas prendre l'avion. Et ils peuvent pas, mimbab aula, ils peuvent pas prendre, se déplacer en car, en voiture, etc. Ça fait hadha al-hal, ils sont fi hukm al-ajiz. Qalat al-mar'a, afa ahujju anhu? Fa qala sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire le hajj pour lui? Et à sa place, avec son mal, et je fais le hajj, la niya c'est pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Ça nous montre, anna, ba'dunnas, ils ont une idée, anna, c'est que pour les morts. Si un proche il est mort et il n'a pas fait le hajj, on fait le hajj pour lui. Ala fi tafsil. Toute cette mas'ala de faire des œuvres pour un autre, walillahi alhamd, on avait fait, fima atkur, quand on était à Dammaj, ma'al ikhwan, 3 durus, on les avait enregistrés. Dans cette mas'ala, on avait détaillé le hajj et ghayr le hajj. Et c'est un sujet important. Inch'Allah, on essaiera de propager ces durus. Yadkhul fi istita'a kadhalik amn at-tariq. Et ça c'est important. Amnu at-tariq, ay que at-tariq, il y a pas un danger. Matalan ahlul Yémen pour se rendre au Hajj, khassatan la voie par le car, al-an la route elle est pas en sécurité avec tous le conflit etc., ce qui se passe. Fa hum kadhalik al-an les aéroports mu'attala, ils peuvent plus prendre l'avion. Le pays il est en guerre. Fa fi halihim, ils peuvent pas se rendre à Mecca. Bisouhoula. Ça fait Adelhal, c'est pas obligatoire. Ils attendent jusqu'à que l'appel revienne et Inch'Allah, ils font le Hajj. Kadhalik al-mu'amalat al-rasmiya. Ça rentre dans l'istita'a. Et tout ce qui est les papiers, le visa, etc. Ta'lamoun al-an, pour des raisons, des bonnes raisons, des raisons de sécurité ou autres, ils font un visa, etc. Si les portes elles seraient ouvertes, tout le monde part, ça serait très difficile à gérer et il y aurait trop de monde, c'est pas adapté, etc. Fajazahumullahu khayr, al-mamlaka al-arabiya al-saoudiya, ils ont mis des règles et c'est al-wajib. Fal-an, si t'as pas reçu ton visa ou t'as pas réussi à faire tes papiers ou t'as des problèmes de passeport, etc., fi halik t'es ma'adour. Falihada, le fait de faire le hajj clandestinement, l'ulama la yansuhum bihada. Fafihada al-hal, c'est wajib ta'at ulat al-umur. Non, ils ont mis ces règles, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et c'est pour le bien-être de tout le monde. Enfin, on respecte. Celui qui n'a pas ses papiers, qui n'a pas son visa, il espère jusqu'à l'année prochaine ou autre. Hatta, Inch'Allah, il a ses papiers et il part en règle. Kadhalik, et on finit avec hada, al-mahram lil-mar'a. Ça, c'est la 6e condition, lil-wujub. Ta'ammalu qawlana lil-wujub. Est-ce que son hajj il est accepté amla, si la femme elle fait le hajj sans mahram? Par étape on commence short lil wujub. Si elle n'a pas de mahram, c'est pas obligatoire pour elle. Le fait qu'elle le fasse sans mahram, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on verra. Si elle n'a pas de mahram, le hajj c'est pas wajib pour elle. Ou alors si elle a la capacité financièrement et physiquement. قال الشيخ عبد المحسن في تفسير الناسك قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها محرم كي في الحج avec elle. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que la femme elle ne voyage pas illa ma mahram. Un homme il a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa il lui a posé cette question: ya rasoul Allah, أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. Hey, j'ai envie de faire le jihad dans tel endroit. Lakin, ma femme, elle veut faire le hajj. Wa mra'ati turid al hajj. Et ça montre l'importance de poser les questions quand tu ignores quelque chose. Had al-rajul an sahabi, radiyallahu anhu, il a été éduqué par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a éduqués, hakada. Ils posent leurs questions. Leurs questions qu'il a besoin. Lakin, on n'ouvre pas les portes toutes les questions, des questions qui ne sont pas à leur place. Des choses qui ne te regardent pas. Lakin, cet homme-là, il est concerné directement. Enfin, il pose sa question. بأدب. وَمْرَأَتِي تُرِيدِ الْحَجِ فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أُخْرُجْ مَعَهَا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam démontre à cet homme-là, tu ne fais pas le jihad dans tel et tel endroit. Toi, cette année, tu vas avec ta femme au hajj. Ça montre l'importance qu'il donnait à sahaba, radiyallahu anhu, les hadha shay. Amma l'an, kathir mina an-nisa, elles font le hajj sans mahram. Ben, tu trouves un groupe, c'est que des femmes, 40-50, c'est que des femmes, et avec un guide, un homme. Na'oudou billah. Qala Cheikh Abdel Mohsin, rawahu al-Bukhari wa Muslim, Ali ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Faqad arshada al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, sa'il fi hadha al-hadith ila tark al-jihad. Pour montrer l'importance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné à ce sujet. Tu délaisses le jihad pour voyager avec ta femme. Hatta ta femme, elle ne voyage pas. Son mahram. قال مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم. Et ça c'est une mesele importante كذلك. لأن ربما une femme elle entend مثل هذا الكلام et elle a fait le hajj à l'époque sans mahram et elle se demande est-ce que son hajj il est valide ام لا. Le hajj il est valide si elle a les conditions qu'on verra, l'arkan, elle a fait les wajibat, le hajj en lui-même il est valide. Lakin ce voyage qu'elle a fait, elle a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a des péchés par rapport à son voyage qu'elle a fait sans mahram, elle fait tawbah, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne recommence plus, et son hajj, il est sahih, incha'Allah. Qala wa athimat li safariha bidoun mahram, li anna ishtirat al mahram shartun lil wujub, la lil sihha. C'est un shart lil wujub. Ce shart, s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas présent, le hajj n'est pas valide. Là. Ça c'est une mas'ala qu'on voit fi al-usul, shart, que ce soit l'wujub ou l'sihha ou l'kamal. Qala thumma al-an Cheikh Abdel Mohsin il va démontrer c'est quoi le mahram, c'est qui le mahram. Qala wa mahram al-mar'a zawjuha. Et là c'était zawj lianna c'est celui qui a la plus grande responsabilité envers sa femme. Qala wa man tahrum alayhi ala at-ta'bid bi sabab ou sabab mubah. قال فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها. نعم المحرم ça peut être من جهة النسب, et il a des liens directement avec cette femme. Imma c'est son père, imma c'est son frère, imma c'est son fils, c'est son oncle paternel, maternel. أو قال المحرم من السبب, et il a pas un lien de parenté معها, لكن il y a un سبب, une cause qui l'a rendu que c'est un محرم. قال إما برضا مثلا l'allaitement كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع, son père